L'aurore boréale de William Chapman. Enregistré pour LibriVox.org. À Monsieur Louis Bélanger. La nuit d'hiver étend son aile diaphane sur l'immobilité morne de la savane, qui regarde monter dans le recueillement la lune à l'horizon comme un saint sacrement. L'azur du ciel est vif. Et chaque étoile blonde brille à travers les fûts de la forêt profonde. La rafale se tait et les sapins glacés, comme des spectres blancs, penchent leur front lassé. Sous le poids de la neige, étincelant dans l'ombre, la savane s'endort dans sa majesté sombre, pleine du Saint-Émoi qui vient du firmament. Dans l'espace, nul bruit ne trouble, en seul moment, le transparent sommeil des gigantesques arbres, dont les troncs sous le givre ont la pâleur de marbre. Seul le craquement sourd d'un bouleau qui se fend, sous l'invincible effort du grand froid triomphant, rompt d'instant en instant le solennel silence du désert qui poursuit sa rêverie immense. Tout à coup, vers le nord, du vaste horizon pur, une rose lueur émerge dans l'azur, et fluide clavier dont les étranges touches battent de l'aile ainsi que des oiseaux farouches, éparpillant partout de diamants dans l'air, elle envahit le vague océan de l'éther. Aussitôt ce clavier zébré d'or et d'agate se change en un rideau dont la blancheur éclate, dont le repli moelleux, aussi prompt que l'éclair, ondule follement sur le firmament clair. Quel est ce voile étrange, ou plutôt ce prodige? C'est le panorama que l'esprit du vertige déroule à l'infini de la mer et des cieux, sous le souffle effréné d'un vent mystérieux, dans un écroulement d'ombre et de lumière. Le voile se déchire, et des larges rivières, des perles et d'onyx, roulent dans le ciel bleu, et leurs flots tout tachés de volutes de feu s'écrasent et trouant des archipels d'opales, déferlent par-dessus une montagne pâle, des nuages pareils à des vaisseaux ancrés dans les immensités des golfes éthérés, et puis, réjaillissant sur des vapeurs compactes, inonde l'horizon des roses cataractes. Le voile, en un clin d'œil, se reforme plus beau, levé comme un serpent, flottant comme un drapeau. Plus rapide cent fois qu'un jet pyrotechnique, il fait en pétillant un sabbat fantastique, et met en mouvement des milliers de soleils, à travers des brouillards transparents et vermeils, comme cristallisés dans la plaine éthérée. Quelquefois on dirait une écharpe nacrée, qu'un groupe de houris s'écourait en volant. Dans l'incommensurable espace étincelant, tantôt on le prendrait pour le réseau de toiles que Prométhée étend pour saisir les étoiles, ou pour le tablier sans borne dans lequel les anges vanneraient des roses sur le ciel. Et la forêt regarde, enivrée, éblouie, se dérouler au loin cette scène nue. Et l'orignal le mufle en avant, tout tremblant, les quatre pieds cloués sur un mamelon blanc, l'œil grand ouvert au bord de la savane claire, fixe depuis longtemps l'auréole polaire, poudroyant de ses feux le céleste plafond et son extase fauve en de larmes se fond. Fin du poème, enregistré par Maya. Cet enregistrement est du domaine public.